Ziggin' Up, chaque samedi à 18h sur Fadjet. La matinale de 18h, l'émission décalée de Fadjet. Bonjour matinalien, matinalienne de la matinale de 18h pour cette première version 2024. Bonjour. Et bien sûr qu'il manque qui, Jocelyn, parce que Julien se pavane sous le soleil de Londres actuellement. Ça va, on tourne à la table ? Oui. Quelles sont les préconisations, mais ce que tu vas faire cette année et puis en fait que tu feras pas ? Alors moi j'en ai une. Ah oui, donc elle s'est révélée. Wow, révélée impossible, alors du coup, j'en parlerai plus tard. Ah, plus tard. Plus tard dans ma chronique, ouais. Ah, cool. Donc c'est bien, vous êtes obligé de rester. Ouais. Comment ça s'appelle déjà? C'est pas les résolutions. Ah, Alban, ouais. Ça va, Alban? Oui, ça va. Et toi? Écoute bien, quel est ton résolution cette année? Avoir mon CAPES. Oh, la manière dont tu le dis, il y a une putain de pression là quand même. C'est quand? C'est le 13-14 mars, l'écrit. Oh, ah, c'est ouais, tôt, c'est ouais. Bientôt, ouais. J'ai peur. Oh, arrête, tu m'énerves quand tu fais ça. On n'a pas peur pour un CAPES. C'est vrai, on n'a pas peur pour un CAPES. C'est encore si t'es un animal sauvage. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est pas un CAPES. Hey, Jeanne! Hey! Bonne année! Merci à toi aussi. J'espère que tu vas pas renifler toute l'émission. Non? Oh non. Comment tu vas bien? Oui, bien, ça va, bien. J'ai pas pris de bonne résolution. Enfin, si j'en ai pris une, c'était de me coucher plus tôt, mais c'est. D'accord. Ah, c'est dommage parce qu'on en a pris plein pour toi. Ah. Une bonne résolution. Ah. Mais bon, pareil, elles servent à rien. Vas-y, donc, dis-moi. Non, ça sera dans ma chronique, pareil. Ah, d'accord. Je sais pas quand. Que suspense. Ouais, j'ai une heure pour pouvoir préparer la chronique. Les petits enfants, c'est pas tout, mais on a un journal à faire. Attends, juste toi, t'en as des résolutions ou pas? Oui. J'ai une bonne résolution, c'est de ne pas en avoir. Ah bah oui, incroyable. Parce que, non mais en fait c'est vrai, ça marche pas ces résolutions-là. C'est original. Ouais. Et bah oui, et c'est tout moi ça, cette originalité. Et voilà, et je me suis dit tiens, je vais avoir une bonne résolution cette année, j'en aurai pas. Et ça marche, essayez. Parce que ça marche vraiment bien. Bon, je peux le lancer mon journal? Allez, allons-y. Allez. Il est 40 secondes, quel bonheur de pouvoir dire l'heure en direct, c'est l'avantage d'enregistrer en direct. Hein. Et on commence tout de suite avec les informations nationales et internationales, avec James. Plusieurs millions de Français ont dépassé le point Attal cette semaine. Le point Attal, c'est une théorie développée par Fadjet, et il s'agit d'un moment dans votre vie où vous êtes officiellement plus jeune qu'un des chefs de l'État. Ah. Et c'était pour moi donc cette semaine, comme d'autres Français, je ne serai donc jamais le Premier ministre le plus jeune de l'histoire, et j'ai dû m'y résoudre cette semaine. Tu as donc plus de 34 ans. Absolument, oui. Voilà, les JO de Paris, les étudiants dont les logements vont être réquisitionnés auront le droit d'y rester les étudiants dont les logements vont être réquisitionnés auront le droit d'y rester en tant que laquais pour les athlètes. Bien Ils sûr. Seront également amenés à être des ramasseurs de balles pour les épreuves de tennis et de water-polo. La mairie de Paris compte cependant les gratifier de 3 tickets de métro en guise de salaire. Donc réjouissez-vous, messieurs, dames, les étudiants de Paris. Et oui, c'est une chance. Nous sommes le 11e jour de l'année et déjà 91% des résolutions de Nouvel An ont été abandonnées. C'est effectivement, on en parlait en introduction. C'est une publication d'une célèbre salle de sport qui indique que les fréquentations sont déjà en baisse pour cette deuxième semaine de l'année. Quant à moi, j'ai déjà échoué à ma résolution qui était en fait d'être le Premier ministre le plus jeune de l'histoire. Et voilà, c'est déjà fini pour moi. Le rêve change de nationalité. Hein. Je suis sûr qu'il y a des nationalités. Je vais essayer. Oui, faire la procédure. On passe tout de suite aux informations locales avec Jeanne et tout de suite Elisabeth Borne, aperçue dans les locaux de Fadjet. Une frêle silhouette, des cheveux poivre et sel, un regard perçant. Et non, ce n'est pas Franck Dubosc ni même Christina Cordula. Aïe, aïe, aïe, ma chérie, c'est la catastrophe! Non, c'est Elisabeth Borne, ancienne première ministre congédiée récemment, qui a été surprise déambulant l'âme en peine dans les couloirs de Fadjet. Quel est son nouveau plan machiavélique? François a du souci à se faire. Le chanteur lorrain Patrick Bailly pressenti pour le poste de ministre de la Culture. Et vous savez, être ministre, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et bien là, pour une fois, un professionnel pourrait décrocher un ministère à sa hauteur. Patrick Bailly, notre star régionale, pourrait devenir national, voire international. On espère qu'une chanson ressortira de cette expérience. Bien sûr, et on attend que ça. Et enfin, un tri des biodéchets, ce qui attend les Nancéens en 2024. Le compost, c'est la vie. Ainsi, la ville de Nancy se met en ordre de marche pour fournir à chaque citoyen les moyens de trier séparément ses biodéchets et ne plus jeter ainsi dans les ordures ménagères. 240 sites de compostage, 850 lombricomposteurs et 6000 composteurs individuels. Bref. Bref. Bref. D'accord. C'était la chute. Je me suis dit, mais elle est en train de faire une vraie info, en fait. Mais c'est une vraie info, en plus. Ah d'accord, ok. Voilà. C'est pour ça qu'on rigole en fait. Oui. Voilà, très bien. Bah, écoute, pourquoi pas, c'est la fin de ce Flash Info. Prochain Flash vers 18h30, on passe tout de suite à la météo. La météo. En ce matin, un tapis neigeux drapé de silence accueille nos pas, uniquement rompu par les glissades de mémé sur le verglas. Que tu voulais sortir, mais qui s'est pété le bras. 2024 tardera sûrement à tous nous dévêtir, comme un effeuillage lent ou une épilation à la cire. Parsemé de joie, de peine, mais du coup plus de poils, avec son lot d'aubaines et de factures d'hôpital. Car mémé s'est bien mangé hier sur ce trottoir, et toi tu l'as prise en photo en te fendant la poire. Que tu sois une ordure ou que tu aies tes raisons, la semaine sera fraîche en cette rude saison. Si la neige à tout moment peut créer l'épaisseur, crains surtout le courroux de grand-mère ravageur, qui de son bras, guéri et de son regard vide, s'emparera de ton âme et de ton cou timide, te faisant préférer la grippe ou le Covid, et le temps où tu jouissais de ta carotide. Alors prenez soin de vos gorges et sortez bien soyeux, ne sortez pas vos photos et prenez soin de vos aïeux. Oh, comme c'est beau. C'est incroyable. C'est un petit message voilà, mémé. Positif voilà, pour tout au mémé. Pour tous ceux qui ont encore leur mémé. Voilà, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est-tu passé un 11, j'allais dire un 11 septembre, non, un 11 janvier. Mais oui. Bah oui, un 11 janvier. C'est Alban ? Oui, c'est Alban. C'est enchanté. Alban. Bonjour. Alban, enchanté. Qu'est-ce qui s'est-tu passé ? Alors... Ah, attends, parce qu'il y a un petit coup de Slimane juste avant, et après, on va savoir tout ce qui s'est passé un 11 janvier. Ça permet juste de passer un petit coucou à Slimane, s'il nous écoute. Tu le connais ? Oui, oui. Pour de vrai, j'ai vu à la télé la semaine dernière. Ah bah oui, alors voilà. Oui, tu le connais. Donc je passe le bonjour. Voilà. Slimane, viens, on s'aime. Ils pourront tout nous enlever, ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre, à contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Allez, viens, on s'aime, on s'en fout de leur mot, de la bienséance. Viens, on s'aime, on s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens, on s'aime et c'est tout. On fera attention dans une autre vie. Viens, on s'aime, on est fou. Encore un jour, encore une nuit. Dire que notre histoire n'est pas belle. Prier pour qu'on abandonne, qu'il y ait une nouvelle donne. Ils pourront bien nous avoir, le temps d'un doute, le temps d'un soir. Et après la peine et les cris, sèche les larmes qui font la pluie. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Allez, viens, on s'aime. On s'en fout de leur mot, de la bienséance. Viens, on s'aime. Idée de ce qu'ils pensent. Viens, on s'aime et c'est tout. On fera attention dans une autre vie. Viens, on s'aime, on est fou. Orelsan Slimane. La matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. Capes. Tu stresses, hein? Un petit peu. C'est dans deux mois. Hein. C'est dans deux mois. T'es prête? Oui. Non. Elle regarde des films de Capes d'épée. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. T'as refait la vanne parce que c'était en plein pendant le générique. Regarde des films de Capes d'épée. Voilà. C'est excellent. Voilà. C'est dommage, j'ai pas le. Je pourrais mettre le bruitage, mais. Bravo. Bravo pour cette blague. Alors, qu'est-ce qui s'est-tu passé un 11 Alors, janvier. 11 janvier, en mais ouais. 1535, au Parlement de Paris, l'enregistrement d'un édit du roi français, François Ier, instituant le supplice de la roue contre les déserteurs de guerre qui étaient devenus des bandits, des voleurs, des violeurs. Donc peut-être... Des violeurs ? Ouais. Quand on déserte, on viole. Ouais. Bah là, dans ce cas-là, les déserteurs étaient devenus des malfrats. C'est quoi le supplice de la roue, du coup ? Bah, ils se mettent sur une roue, ils les attachent et ça tourne. Et voilà. Bah, c'est quoi, c'était la fête foraine à l'ancienne. Ouais. Ouais. Ah, tu devais tirer des haches au milieu, non, attends, j'imagine. Attends, non mais en vrai, t'es attaché à la roue et ça ils font tourner la roue. Bah, je pense, en vrai, tu meurs comment de ça ? Je sais pas si tu meurs, mais peut-être que c'est vraiment... Je sais pas, moi j'ai lu ça. Pour moi, il y a d'autres trucs. Il y a au moins des gens qui balancent des sandales ou un truc comme ça. Des sandales ou peut-être des couteaux. Ouais, voilà, ouais. Pour moi, des sandales. Je sais pas. Des sandales, ouais, tu meurs plus lentement. Oui. Après, est-ce que supplice veut dire mort ? Est-ce que c'était le but de les tuer ? Ah, je sais pas, genre ils se promènent dans tout le village en faisant rouler la roue et la personne dessus et tous les habitants, ils lui crachent dessus. Affaire à suivre. Ah ouais ? Affaire à suivre. On fera une chronique. Ouais. Il y a en 1664 l'ouverture du whisky à gogo, qui est la première salle de danse appelée discothèque. Et ben voilà. Voilà, ça c'est de l'info. Quelle année ? Mais, oui. Mais moi ça m'intéressait l'idée de ce tour-là. En 1664. 1664 bah, en 1664, je sais pas si c'est Wikipédia. Ouais, en 1664. Tu crois que ça a un lien avec le... Ah, clairement. Ah, je pense que oui. Hein. Ah, 1600. Ah, oh là, je savais pas, moi. Ah, la bière. Oh. D'accord. Ouais, ça y est, je l'ai maintenant. Moi aussi. Peut-être que nos éditeurs n'avaient pas. Oh, ce serait incroyable. Mais du coup, c'est... Il n'y aurait pas des abbés en même temps peu... Ouais, c'est pas la même chose. Quoi ? Il n'y aurait pas des abbés ? Il n'y a pas un petit jingle ? Tu ne l'as pas non plus, celle-là ? La Bélef ? Oh là là ! La Bélef. Pas compris. Moi non plus. Bah, tu parles de 1664, moi je te parle d'une autre bière. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Bah oui, d'accord, ok. Tu aurais pu dire une un peu plus connue, oui, quoi. Oui, Cronenbourg. Quoi ? C'est pas connu. En plus, il faut en citer trois maintenant. Bah voilà, maintenant c'est fait. Voilà, ok, c'est bon. Et en 2020, la Chine annonce le premier mort d'une pneumonie atypique, appelée le Covid-19 par la suite. Donc nous sommes le jour du début. Ah, ça y est, ça fait 4 ans. Ouais. 4 ans, j'aurais dit 3, mais oui, 4 ans. 4 ans, et encore, c'était la version officielle, parce que ça faisait déjà plusieurs mois où il y en a qui crevaient déjà depuis... d'accord. Ah ouais. Toute ta vie a changé ce jour-là. Écoutez, et c'était le jour de naissance de Albert Dupontel et Bernard Billier. Billier, oui, je suis dyslexique. Le père de son fils. Exactement. Et au Japon, on fête la fête d'échange de mochi. Voilà. Donc, si jamais ça vous tente. Et ça s'appelle. Attends, t'échanges tes mochi. Kagami Bireki. Oui. C'est marrant parce que. Ils doivent être encore bien emballés, hein, connaissant les Japonais. Parce que c'est quand même les mochi, ça se mange. Oui, bah oui, je sais. Donc, c'est. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Ah, c'est l'équivalent de si nous, on échangeait nos galettes, quoi. Ah, ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. Ça doit être rigolo, quand même, d'échanger ces galettes. Ou nos baguettes de pain, tu vois. Ouais. Genre moi je vais en acheter une, toi tu vas en acheter une et on échange. Ok. Bah écoute, on fait ça le 11 janvier prochain. Ok. Allez, c'est parti. Merci sur tout ce qui s'est passé un 11 janvier. Jeanne, tu nous as préparé, je crois, un... Quiz. Quiz sur quoi ? Sur une petite rétrospective 2023 très sérieuse. Très sérieuse. Oui. D'accord, ok. Bon, on va te la massacrer, cette. Bien sûr, comme d'habitude. Bien sûr. Juste après, Robin Schulz, Rita Ora, Thiago Pskre. PZK, donc je sais pas comment tu prononces Pskre. I'll be there. Et juste après, bien sûr, on aura droit à un quiz. Every dream you've ever had just slowly fades away. Hopeless, some days feel so hopeless. Just another day, another struggle, another winter chase. Yeah, I get that sometimes life can. can bring you down. And you try to win the fight, but you don't know. Rita Ora et Thiago PZK, le fameux PZK. I'll be there. La matinale de 18h, l'émission que bien. Voilà, celui-là okay. aussi, on l'avait. Ouais. Est-ce que je peux juste dire un mot sur le supplice de la roue sur lequel je me suis bien sûr. Ouais. En fait, c'est j'ai pas trop compris l'idée, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que ça soit une roue. Souvent, on les attachait sur une roue pour leur taper dessus, en gros. parfois, on les faisait un petit peu rouler, mais globalement, la roue n'est pas vraiment centrale dans le supplice. C'est surtout un supplice plutôt qu'une roue, en fait. Ok. Il serait sur un carré, ça serait à peu près pareil. Ou un cœur. Voilà, un cœur. Pareil. Ouais. Oh. Voilà. Ou une croix. Ouais, une croix. Ou bah oui. Mais bah, il se passe quoi alors? En fait, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est assez violent apparemment quand même. Des fois, ils les attachent à la roue de manière ostentatoire, dire transcorique, c'est-à-dire à travers le corps. Ah, et, comme si c'était crucifié, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et parfois aussi, ils les mettent là-dessus, puis ils font effectivement tourner la roue, mais parfois juste ils leur tapent dessus alors qu'ils sont sur la roue, quoi. Donc c'était pas ultra utile d'utiliser la roue pour ça. C'est quand même une belle invention. C'est surfait. C'est un peu dommage, moi je trouve, voilà. Ouais, ça agrémente le quotidien, moi je dis. Non, mais après, moi je veux pas non plus dire des choses qui sont qui provoquent le débat, mais j'ai envie de le dire quand même haut et fort. Okay. Le supplice de la roue, c'était pas cool. Et ben bah, belle année. Et est-ce qu'on se ferait pas un premier quiz, le premier quiz de l'année? Oh là là! Et qui parle en plus de quoi? De l'année dernière! Mais non! Mais si! Wow! Alors je crois qu'en plus la première réponse a déjà été trouvée. Non! C'est formidable! J'ai pas vu. Formidable! Mais tu auras ton capes de la même manière, hein, t'inquiète. Hein. J'espère. En triche. Voilà. Oui. La triche, c'est la vie. Alors oui, c'est des petites questions sur l'actualité de 2023. Oh bah oui. Du coup, pas l'actualité, quoi. Pardon. Bah, la réactualité. La passe actualité. J'ai l'impression de t'avoir offensé quand j'ai dit ça. Souvenir. Je pense que le regard a traversé les ondes. Alors, c'est des questions assez intelligentes. Oula, ce que j'adore, c'est pourquoi tu me regardes quand tu dis la question là, tu sais. Bon, je vais tester déjà sans vous donner de choix. Et puis, bon, puis déjà, en plus, Jocelyn n'est pas là. Donc ça risque de durer un petit peu plus longtemps. Je vais vous donner des choix alors. Alors, qui a été élu président de la nation argentine le 19 novembre 2023? Il s'appelle. Ah oui, le fin fou là. Bardem. Ah non, mais ça commence par un M. Ah, c'est un M. Non? Son nom de famille, ouais, c'est un M. Et il y a des I dedans, mais. Ouais. Oh, j'en trouverai plus, mais c'est un fin fou. Milito. Non, non, non, c'est pas, c'est, ça ressemble pas à, à de l'italien ou de l'espagnol, justement. Mais Javier. Oui, mais oui, mais non. Javier Milei. Ah, Milei, en plus, le pire, c'est vraiment, je l'ai vu, quoi. J'ai vu du miel et j'étais ok, c'est miel et je sais pas ce que c'est. Javier Milei, il est classé politiquement à l'extrême droite et décrit comme libertarien de droite. Oui, bah, j'avais fait des matinales d'ailleurs, je sais plus si c'était la matinale. On en a déjà parlé dans cette émission. On en a déjà parlé sur les trucs fin fous qui disaient. Ouais. On pourrait retrouver. Hein. Il veut mettre le dollar américain comme monnaie. Spécial. Voilà. Bah, il est revenu dessus hein, maintenant. Ah, d'accord. Quel pays a été touché par un puissant séisme 7.8 sur l'échelle de Richter la nuit du 5 au 6 février 2023 ? La Turquie. Ah, avec plus de 56 000 morts et environ 100 000 blessés qui sont recensés dans ce séisme qui a touché la Turquie ainsi qu'une partie de la Syrie. Quel est depuis juillet 2023 le nouveau nom du réseau social Twitter ? X. Oh, facile. Ah, c'est il y a moins d'un an. D'accord, enfin un an quoi. Bah, oui. Ouais, juillet 2023. Quand même, quand même. Ok. Quel ancien chef de gouvernement est décédé en 2023 ? Chef de gouvernement décédé. Henry Kissinger. Non. Mais lui, il n'était pas chef de gouvernement. Européen ? Européen, ouais. D'accord. Français ? Ah non, non, pas français. Helmut Kohl ? Non. Oh non, ça fait longtemps ça. Est-ce qu'il ne serait pas anglais ? Non. Allemand ? Non. Ah, hein, italien ? Ah, c'est Berlusconi, non ? Eh ben voilà, ah bah oui. Berlusconi ! Bien joué. Il est mort à. Il est mort ! 86 ans, le 12 juin 2023. Des suites d'une pneumonie et d'une forme de leucémie. Ah. Et il était surnommé Il Cavaliere. C'est. Pourquoi, James ? Parce que probablement, il montait beaucoup de choses dans. On va pas aller sur le truc là, mais effectivement, il avait quand même cette réputation. Hein. Alors, quel prix Nobel a été attribué à deux Français en 2023 ? Oh, alors là. C'est le prix Nobel de la musique pour les Daft Punk ? Il y a économie, littérature, physique ou médecine ? Ah non, mais je sais même les maths. Pas. Littérature. Non. Non. Non. Médecine. Non. Mais non, c'est la physique. C'est physique. Pour les, c'est pour les trucs, les tu histoires sais quoi de ou pas le boson de Higgs. Le mec qui vient d'inventer. Non, mais c'est fort, hein, c'est fort. Ça, moi, j'aurais pas pu inventer comme ça du tac au tac le boson de Higgs. Le boson de Higgs. C'est quoi? Vous êtes mignonne toutes les deux. Je ne vais pas pouvoir vous expliquer ce que c'est parce que d'une part parce que je ne le sais pas et ensuite parce que même si je le savais j'aurais trop peur de dire une bêtise, donc je vous invite à vous renseigner. Mais rien que pour ça, moi je te donne la note. Enfin, je crois que c'est une histoire de particules. Voilà. Alors le prix Nobel récompense Anne Huillier et Pierre Agostini pour leurs travaux sur les impulsions laser permettant de suivre le mouvement des électrons à l'intérieur des molécules. Eh ben. Ah oui. Voilà. Le fameux boson de Higgs. Voilà, c'est ça. Quel animal s'est échappé d'un cirque à l'Adis Poli en Italie en novembre 2023 ? Un tigre ? Un alligator ? Non. Une araignée ? Non. Un lion ? Ouais. Un animal de 250 kilos qui s'est promené tranquillement dans les rues de la ville pendant plusieurs heures avant d'être capturé. Alors, avant-dernière ? Allez ! Quelle chanson a été le plus écoutée en France et dans le monde sur les plateformes de streaming en 2023 ? Ah, en France et dans le monde, c'est la même ? Ouais. D'accord. La vie en rose d'Edith Piaf. Ah bah non. Ah bah tu donnes des propositions, ok. T'en ouais, vas-y. Bah ouais, vas-y, attends, j'ai envie de. Non, bah vas-y. Bah c'est anglophone, c'est une chanson anglophone. Bah pas forcément. Mais attends, c'est une chanson. Bah une on te pose la question justement. T'avais l'air de citer des chansons anciennes, c'est même pas une chanson récente ? Ça peut être remixé. Ça peut être un piège. Ah d'accord, ok. Attends, mais elle est anglophone ou pas cette chanson ? Tu le sais quand même ? Bah oui, je le sais. Mais après, tu te donnes pas alors ? Bah, c'est un sacré indice quand même. Ah bon ? Tu sais, je connais attends, plus que ça, deux des chansons anglophones. Elle est anglophone. Regardez, il me semble avoir d'accord. Regardé cette. C'est un monsieur qui la chante ? Je peux m'acheter moi-même des fleurs. Miley Cyrus. I can buy myself flowers. C'est Flowers, Miley Cyrus avec la chanson Flowers. Elle a battu le record, elle a atteint le milliard d'écoutes sur Spotify le plus rapidement dans l'histoire. Ils ont dû faire un beau chèque. Un milliard d'écoutes. Je crois que dans le top 3, il y a deux de nos émissions qui complètent le top 3. Exactement. Et aussi La Voisinade. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, mais après. Et dernière question. Quel est le nom de la tempête qui a touché une partie de la France le 2 novembre 2023 ? Dominique. Mais non. Non. C'est Christelle. C'est un prénom féminin ? Mais c'est pas un prénom. Hein. Ah. D'accord. Mince. Alors c'est un nom. Enfin, ça, moi je le donnerais pas en prénom à mes enfants. Bon, vas-y, est-ce que c'est un nom d'Indien ? Genre tempête de. Non. Non, okay. petite tempête nocturne. T'en suis pour rentrer, tempête pour sortir. Oh là là, ouais. Okay. Oh là wow. Là, wow. Bon, vas-y, balance, parce que... Alors, là... elle s'appelle Ciaran. Ciaran. Ouais, ah, c'est forcément un prénom, de toute façon. Donc, bah, avec un C en plus. Alors, peut-être oh, en plus, ça aurait été un S. Mais là, un C, c'est vraiment une honte. Voilà, c'était tout pour moi. Merci sur tout ce qui s'est passé sur une année. Et il s'en est passé des choses, effectivement. Bah, moi, je vais vous faire un quiz, mais sur ce qui s'est passé cette semaine. Ah, ouais, bah oui, forcément. Un petit Saint Graal. Vous connaissez Saint Graal ou pas? Kyo? Non, Saint Graal. Je te dis Saint Graal, tu me dis Kyo. Mais c'est une chanson de Kyo, le Saint Graal. Ah, Resto Basket. C'est quand tu pars du resto. La nuit me fait renaître, assis au fond, l'adrénaline qui monte. Deux, trois coudées au comptoir, tu préférais ne rien savoir, ouais. Resto, basket, une nuit pour faire la fête. Tout est permis quand on ne vit que la nuit. Pour t'impressionner, je divague. Mes baskets crient sur le sol, entre les parasols, les gravis qui s'envolent, j'ai mon cœur qui décolle. J'écris sous le sol, entre les parasols, les gravis qui s'envolent, j'ai mon cœur qui le colle. Oh, je ferai tout pour te plaire. Resto basket, voyou un peu poète, déterminé à quoi sans s'arrêter. Je reprends mon souffle et je pars, mais je vois le cerveau derrière moi. Resto basket, la nuit me fait la fête. Jean sec dans le verre, renversé sur mes baskets. Renversé sur mes baskets. Mes baskets crient sur le sol, entre les parasols, les gravis qui s'envolent, j'ai mon cœur qui décolle. Oh, je ferai tout pour te plaire. Mes baskets crient sur le sol, entre les parasols, les gravis qui s'envolent, j'ai mon cœur qui décolle. Oh, je ferai tout pour te plaire. J'écris ton nom tagué sur les murs et les ponts. Imaginons qu'un jour tu le vois, tu me rappelles. Mais le monde est si cruel. J'écris ton nom tagué sur les murs et les ponts. Imaginons qu'un jour tu le vois, tu me rappelles. Dis-moi vite que tu m'aimes. Reste au basket. La matinale de 18h, l'émission pue bien. Bah voilà. Il est 18h29 et 50 secondes. C'est le Flash Info présenté par James et par Jeanne. On commence tout de suite avec les informations nationales et internationales avec James. Littérature, ne manquez pas les 11 biographies de Gabriel Attal qui sortent cette semaine. Et il est encore temps de sortir la vôtre si vous voulez. Un simple copier-coller de l'article Wikipédia de l'intéressé devrait vous permettre d'être édité assez rapidement. Alors foncez. Loire-Atlantique, un homme mis en examen pour ne pas avoir regardé les gens dans les yeux en trinquant. Il lui est également reproché d'avoir croisé le bras avec un autre lors du chin. Son complice, toujours en fuite, est activement recherché par la police. Si vous avez des éléments pour appréhender le fugitif, n'hésitez pas à contacter les services de police. Il y a une virgule entre chaque mot ? Ouais, je crois, ouais. Je ne sais pas, j'ai lu de manière machinale, je ne sais pas du tout. C'est l'intelligence artificielle en fait. C'est une imitation de James en fait. Les championnats du monde de procrastination auront finalement bien lieu ce week-end à Bruxelles. Et oui, je l'ai bien prononcé. Effectivement, ce championnat du monde très très attendu a dû être poussé à plusieurs reprises à cause notamment du Covid et pour plusieurs autres facteurs. Mais cette fois-ci semble être la bonne. Et c'est ce week-end, ne le manquez pas, mesdames, messieurs. Sans plus attendre, on passe tout de suite aux informations locales avec Jeanne. Information locale et on va tout de suite à la mairie de Nancy qui décide de reprendre le tram en fait. Eh ben oui, et puisque la nostalgie a encore de belles heures devant elle, la mairie de Nancy devrait également remettre la circulation sur la place Stanislas. Et on me dit dans l'oreillette que c'est Jérôme devrait se produire très prochainement. Mais non, vous avez connu la circulation sur la place Stan, vous ? Oui, je crois, oui. Non, t'étais trop petite. Même moi, je ne l'ai pas connue. Mais si, moi, je l'ai connue. Ah ouais, et il y avait des gens qui gueulaient pour dire qu'il ne fallait pas la piétonniser, la place Stan. Bref, les joueurs de la SNL font grève parce qu'il fait trop froid dehors. Et depuis le début de la semaine, les températures négatives sont dures à vivre. Alors, pensez à nos pauvres joueurs de football en petits shorts, maillots, tout légers, dégoulinants de sueur. Une tentative de match en combinaison de ski est en cours. Richard Virac, le nouvel entraîneur de la SNL, se dit favorable au thermolactyle de chez Damar. Eh oui. Et enfin, depuis l'élection de décembre dernier, Miss Lorraine n'arrive toujours pas à enlever sa robe en forme de table. Eh oui, suite au soir du sacre, Angeline Aron-Klaus revient sur son expérience. Nous l'avons en direct. Merci. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. C'est quoi ça? Et on va terminer là-dessus. Tout de suite, passe à la météo. La météo. Ah, quand il rit comme ça, c'est qu'il n'a rien préparé. On le sait, putain, il n'a rien préparé. Le seuil de 2024 est franchi sous la caresse d'une neige scintillante. C'est ça, ouais. Merci à tous. Ouais. Ah, quelle météo! Voilà. Les meilleures sont les plus courtes, hein? Absolument. Ne dit-on tout pas? Mais de dit-on tout dit-on, pas? Mais bien sûr, ah, on dit ça. Oui. Alors. Oh, tu sais quoi? Tu vas la refaire. Allez. J'attends que la mouette soit passée. La mouette, c'est vraiment important. Ouais. 2024 dévoile son doux voile neigeux couvrant le monde d'une blancheur éclatante. On a bien la stéréo sur la mouette. Hein. J'en ai d'autres, hein, si vous voulez. Non, c'est bon. Merci. 2024 nous reçoit sous un ciel ouaté non plus, de flocons. Stéphane et Petit K, et derrière, on se fait un petit quiz. J'ai commencé par enlever ta photo qui s'affichait au-dessus de ton numéro. Où t'avais ce sourire subtil, moitié de face, moitié de profil, prise au hasard dans ce resto. Il m'a fallu ôter ma bague, passer l'or de tes plans drague. Où t'avais fini par me séduire de ces longues heures et de ces fous rires et tes regards entre deux blagues. Mais les jours ont filé en moins de deux, la flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort? Mais partout je passe, je peux encore te suivre à la trace. Chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe, je ressens ton reflet dans la glace. J'ai J'ai encore tes graines dans mes placards, tes laines dans mes armoires, tes crèmes dans mes tiroirs, tes scènes dans ma mémoire et tes peines dans mes cauchemars. Les jours ont filé en moins de deux, la flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça. Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort? C'est mort, est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux, mieux comme ça? Stéphane et Petit K, mieux comme ça. La matinale de 18h, parce que la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui. En tout cas, le coq n'a pas bien chanté pour nous réveiller de cette pause musicale. C'est vrai. On s'était tous assoupis dans le studio. Ouais, c'est vrai. Et voilà, on a raté le début. Heureusement qu'on plombier m'a appelé. Voilà. Allez, un petit quiz actu, parce qu'il s'est passé, on a beau être en début d'année, on se dit, tiens, il s'est rien passé encore, il faut attendre un peu pour qu'il se passe des choses. Alors que, en fait, si, il s'est passé énormément de choses, à l'international notamment. Et on va, donc je vais vous poser des questions sur ce qui s'est passé dans le monde depuis une semaine. D'accord. Et on va aller en Corée du Sud. La Corée du Sud qui vient d'interdire quelque chose, sous la pression. Allez, je vous donne un indice déjà TikTok. Ou pas? Non. Non. La cigarette électronique. Alors, c'est pas la cigarette électronique. La cigarette non électronique. Non plus. C'est les jeunes qui ont pressé quand même pour qu'on arrête ça. Ah, est-ce qu'ils ont interdit les boomers? Ah, j'allais le dire. Quelque part, c'était une activité de boomer. C'est... Baby foot. Le bridge? Alors, non. Il faut aller plus dans. Alors, la loi a été votée. Faire l'amour? Avoir une maison ou un appart. Non plus. Ah. Non. On peut aller directement. Allez, je peux vous donner un indice quand même. Oui. On est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus culinaire. Voilà. Le poivre, la moutarde. N'importe quoi. Oui, on a interdit la poivre, effectivement. Vous n'avez plus le droit de manger de poivre en Corée du Sud. Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout. Après, on peut-être qu'ils mettaient du poivre dessus à l'époque. Mais là. C'est un aliment? C'est un aliment, effectivement. Qui est interdit. Excuse-moi pour du poivre. Qui est interdit. Et pour quelle raison? Ah, le chewing-gum. Alors, c'est pour quelle raison? On peut dire que c'est pas très glamour. Enfin, c'est d'ailleurs, ça vient des jeunes hein, qui ont vraiment promu. C'est comme ça qu'on dit? Promu? Bon, enfin bon, PMU. Ça. Et du coup, la loi a été votée. Je sais pas si. Attends, je comprends pas. Mais les jeunes, ils doivent bien aimer les burgers. C'est ça que je comprends pas. C'est un truc que les jeunes aiment ou les aiment? Non. Les jeunes, quand ils voient les vieux manger ça, non. Ew. Voilà, ils disent comme ça. Les abats. Mais eux, ils aiment bien. Alors, les abats. Les abats de quoi? Ah, de Suède. Les abats. Oh là là. Les renards de veau. Non, pas de veau. Les infractions à la loi seront passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Ah, le chien ou le chat? Oui, bien sûr, le chien. Effectivement, c'est le chien. Bah oui, en même temps. Qui, donc, interdisant la vente de viande de chien destinée à l'alimentaire, pourtant très appréciée des clients, mais beaucoup moins des jeunes. Voilà. Donc, dans l'article, ils disent que c'est prévu une indemnisation pour les élevages de chiens, dont l'élevage était destiné à l'alimentaire, quoi, effectivement. Mmh. Et bon, après, j'imagine que ça perdurera quand même un petit peu, mais de manière sous le manteau, qu'on continuera à manger du chien, quoi. Du braconnage. Il y aura des dealers de chiens. De voilà. Peut-être. Quel peut-être, effectivement. Ouais, effectivement. Mais c'est clairement un changement de mentalité là-bas. Hein. Jeanne a la nausée actuellement. Ah! Pourquoi ? Parce que t'es en train de te voir en train de manger ton chien, c'est ça ? Non, mais c'est vrai que je pense qu'il est assez appétissant, il est un petit peu gâché. Ton chien ? Bah bien sûr. D'accord. On dirait un petit porcelet. Ouais, c'est. Oui, bah ouais. Oui, alors oui, c'est comme ça, oui, effectivement, on pourrait se dire, tiens, ouais. Pardon. Allez, on part. Ah, je vais pas vous dire où, mais quelqu'un a dit. Enfin, c'est un propos qui est ressorti là, 4 ans après qu'il l'ait dit. Et il avait dit cette phrase, donc il va falloir que vous retrouviez cette personne. Attends, je peux tenter avant. Donald Trump. Oh, ok, alors qu'est-ce qu'il a dit il y a 4 ans ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit il y a 4 ans et qui est ressorti maintenant ? C'est pas une histoire de dictateur là, un truc. Non, ah. Bah, je vais te donner le début de la phrase et vous devrez trouver le reste de la phrase. Si l'Europe est attaquée. C'est à cause des Russes. Ils parlent pas des Russes du tout. Ils auront qu'à se démerder. Oui, bravo, c'est ça, tout à fait. Si l'Europe est attaquée, nous ne viendrons pas vous aider. Ben voilà. Voilà, oh. C'est ce qu'il avait dit à Von der Leyen. Et vous savez, et donc là, c'était il y a 4 ans qu'il avait dit ça. Et je ne sais plus, je crois que c'est Thierry Breton, c'est ça, qui est commissaire à la Commission européenne, qui a ressorti cette information-là. Mais bon, ce n'est pas ça qui va faire que Donald Trump va baisser dans les sondages. Mmh. Allez, on part aux États-Unis. Pourquoi là, aux États-Unis, on remercie Bob ? Robert, là, c'est Robert, quelqu'un s'appelle Robert ? Oh, bah, j'imagine qu'il s'appelle Robert. Mais là, là, c'est une vidéo, c'est sur Le Parisien. Et on remercie Bob. Alors, je vais vous donner un indice. Je ne sais pas si c'est un indice, mais il habite dans les coins de Portland. Ça sert à rien que tu te mettes là, je te vois. Hein, c'est un robot. Non, mais c'est tu te caches. Et... C'est un robot ? Ah non, c'est un monsieur. C'est un vrai monsieur. C'est un monsieur. Est-ce que c'est quelqu'un qui est une figure emblématique de quelque chose ? Par exemple, comme le mec de KFC ? Alors non, pas du tout. Par contre, il s'est dit, tiens, peut-être que c'est dans mon jardin. Et il a été voir dans son jardin. Et ça y était. Et bim ! Et il, là, tu sais, il sortait dans le jardin et ouais. Il arrosait ouais. Le jardin avec ouais. Sa loupiote pour voir. Il voit le truc qui brille, il dit... Je suis sûr que c'est ça. Et c'était ça. Ah, c'était un extraterrestre, un ovni ? Ah non. C'est un. Et on aurait remercié Bob pour ça ? Non, non, je sais même pas pourquoi on dit merci Bob, parce que bon, moi, il l'a découvert, mais en même temps, on savait que. C'est un vieux monsieur. C'était tombé. Oui, c'est un vieux monsieur. Mais ça va vachement nous aider. C'est bien. La fille qui nous aide vachement. Qu'est-ce qui s'est passé dans. Alors, c'est quelque chose qui est tombé. Une météorite, un astéroïde. Non. Une comète. Non, pas c'est humain. La neige. C'est bien, j'adore quand tu balances plein d'idées comme ça, mais c'est humain. Voilà. Oh. Il a retrouvé. Ah, c'est genre. Ah, mais oui, c'est quelque chose qui est tombé d'un avion. Alors, mais quel avion ? L'avion Air Force One. Ah non. C'est une dent de Kennedy. C'est Joe Biden. C'est la fausse jambe de Joe Biden qui est tombée. Et on l'a retrouvé. C'est pour ça qu'on remercie Bob. Est-ce que c'est un Boeing un... Oui. Ah mais oui, d'accord, je sais, c'est parce qu'il s'est passé un truc. Il y a un Boeing dont une portière, c'est une vitre, un hublot. Une porte. C'est, une porte, c'est une porte. Détaché en voilà. Plein vol. Et elle est tombée dans le parking, qui est un jardin en fait, dans le jardin voilà. De cet homme qui l'a retrouvé. C'est donc une portière de Boeing. Et si vous voyez la tête de Jeanne et de Alban en train d'écouter la réponse de Jen. Surtout que j'imagine un truc énorme et le mec se dit oh c'est peut-être dans mon jardin. Enfin, je sais pas pourquoi on lui dit merci. Bon peut-être que si parce que pour l'enquête il faut savoir s'il y a eu des défauts de conception sur parce que ils ont raté tous les Boeing 737 Max 9 hein, notamment je sais plus comment elle s'appelle cette compagnie américaine mais Delta je crois qui en avait acheté 80 Boeing et ils les ont arrêtés. Ben voilà, et ils les ont tous arrêtés. Et voilà, cet habitant de Portland. Non mais c'est gros Bob, ou pas ? Vraiment, ça m'intrigue. Bah c'est les gars, porte, l'équivalent c'est d'une porte. Une porte de, ah ouais. D'avion, quoi. C'est il a quelle taille du jardin, monsieur ? J'imaginais un petit jardinier, moi. Donc du coup, là, Pas, mais il est pas tout petit quand même. Ah, le jardin. Heureusement qu'il n'était pas sur son transat en train de faire ouais. Bronzette. Hein. En cette période à Portland, tu fais pas bronzette. Mais je, en train de bonhomme de neige. Bah, voilà. Parce que j'y étais il y a un an et on fait pas bronzette. Non. Ça juste pour placer qu'il a ouais, été à Portland. Voilà. Merci, merci pour toi, merci à toi. Voilà. Allez, ah ouais, tiens, je, alors ah, c'est croustillant. Mais et, pourquoi Fito à Folquito? Oh, alors celle-là, je suis content de l'avoir sortie. Pourquoi Fito, Fito? Alors Fito, est-ce que c'est un Italien? Fito, Monsieur Fito? Ah non. Fito. Non, non, non. Pourquoi Fito à Folquito? Eh bien, écoutez, nous avons beaucoup de suggestions. Ah, il a follow sur un réseau social. Vas-y, termine ta phrase. Non, je sais pas. Ah, elle est finie, là, d'accord. Ah, j'essaye de okay. décrypter un petit alors, peu son langage. Alors, c'est un, presque mot pour mot le titre de Libération qui fait toujours, enfin, bien faire des jeux de mots. Jeux de mots. Alors, j'ai enlevé un mot dedans parce que ça vous donnerait trop. Ça vous donnerait la réponse. Mais voilà, ça passe dans un pays, mais je ne vais pas dire quel pays. Je pense que vous êtes c'est assez grand pour deviner de quel pays on parle. Mais affole Quito. Affole, le verbe affoler. Alors, ah, bien ah, vu. Moi, voilà. J'avais à Folquito. Bah, pareil, ah, Quito, c'est en Équateur alors. Oui, voilà, déjà. Ah, Fito. Et Fito. Affole. Quito. Vous avez compris quoi, vous? Ah, mais moi, j'étais Fito, pas sûr. Ah, le verbe avoir. Et voilà. Folquito. Folquito. C'est ça, folquito. Et si, c'est quoi le verbe folquito? Aucune idée. Mais non, ça, mais pour moi, ça c'était. Me semblait très énigmatique. Ouais. Genre, c'était latin, tu vois. Ouais, enfin, voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez déjà l'orthographe. Voilà. Fito. Fito. C'est une star équatorienne. Fito. Alors, c'est pas une star du tout. C'est un chien. Au contraire. Ah, c'est un ennemi public équatorien. C'est un ennemi public qui est sorti, équatorien. Qui s'est évadé de prison. Bien sûr. Oh. Mais ouais, heureusement que t'es là, James. C'est ça. Parce que... Mais oui, bien la, sûr. La c'est idée, ça. C'est vrai. Oui, oui, oui. Effectivement, Fito, qui est l'ennemi public numéro un, qui était dans une prison quand même. Haute sécurité. Parce que haute sécurité, merci, c'est ça. Et qui a réussi à s'évader. Comment là, c'est entre. Alors, on dit pas. Enfin, on dit pas. C'est sûrement si on fouille, on trouverait des informations là-dessus. Mais il voilà. avait les plans tatoués sur son dos. Il était quand même, il est quand même l'ennemi public numéro un en Équateur. Là, en plus, ça va pas super là-bas parce qu'il y a des émeutes. Donc, je pense qu'il a dû profiter de ça. Et voilà ce titre. Alors, le titre exact, c'est Équateur, Fito, le narco qui affole Quito. Voilà, j'adore, c'est croustillant, quoi. C'est croustillant. Est-ce qu'il nous en reste une Ah oui, alors attends, non, si, c'est celle-là. C'est un article du Monde, et puis après, on fera une petite pause musicale. Et qui est. Alors, voilà, c'est pas l'actualité du moment, encore que. Mais qui est Denis Le Petit? Voilà, j'ai lu cet article dans Le Monde, c'est sur. Ça parle de l'histoire, et on parle de Denis Le Petit. Mais est-ce que vous savez qui est Denis Le Petit? Est-ce que ça a un rapport avec André le Géant? J'allais dire Alexandre le Grand. Oh non, oh. Eh ben non. Non, non, non, non. Alors, quelle période de l'histoire? Quelle période de l'histoire? Non, pour savoir, après. Alors, ça s'est passé il y a un petit peu plus de 2000 ans. C'est quoi la question déjà? Denis le Petit. Non mais Jeanne, Denis c'est pas grave, on t'expliquera. Oui, c'est Jeanne, elle est... elle suit rien, Jeanne. C'est... Vas-y, balance. Balance des réponses. J'ai juste Denis le Petit. Il y a 2000 ans. Voilà. Alors, il y a 2000 ans, c'est un contemporain. Alors oui, Jésus. Oui, c'est un rapport de Jésus. Okay. Avec Jésus. Ah, c'est pas avec les grandes statues là, sur l'île de Pâques là? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est un des apôtres qui s'était caché pendant alors, tout ce alors attention, Denis le Petit n'a pas vécu du temps de Jésus. Ah non, il n'a pas vécu au moment là. Mais par contre, il nous en apprend sur Jésus. Il a écrit la Bible. Non, il n'a pas écrit la Bible, mais il a fait des recherches et il s'est rendu compte de quelque chose. Ah, il a pas eu les clous dans les mains, il a eu les clous au poignet. Est-ce qu'on peut réagir? On est obligé de réagir à chaque fois qu'elle dit quelque chose. Non, mais est-ce que tu savais quand même que Jésus, il n'a pas été sur la croix avec les clous dans les mains, comme c'est illustré partout, mais au poignet? Parce que dans les mains, il y a eu des tests de fait, dans les mains auraient, se seraient arrachées. D'accord. Ah, voilà. Et ben voilà, on a appris quelque chose. Mais non, Denis le Petit n'a pas étudié ça, il n'a pas. Il a pas mis plusieurs gens sur la croix en se disant ah ça tient pas longtemps hein. on va replanter le clou plus loin. Non, il a pas fait des tests comme ça, Denis le Petit. Mais okay. on est sur de l'histoire. En fait, est-ce qu'il a essayé de marcher sur l'eau? s'est rendu compte, tiens, c'est pas possible ça. Ah ouais, ça aurait pu être rigolo. Ça me paraît pas crédible. Je vois bien plein de... Est-ce que son nom doit nous aider à quelque chose? Alors, pas du tout. Ah, ok. Pas du tout. Est-ce que c'était un roi de quelque chose? Non. D'accord. Non, non, c'est pas un roi, c'est un ecclésiastique. Ah d'accord, d'accord. Voilà, effectivement. Et bon, il était aussi mathématicien, astronome, mais il était oui, tout le monde, c'était un petit peu quoi. Des... Oui. Ça voilà. Avait plusieurs portefeuilles à l'époque, bien évidemment. Et donc ce Denis le Petit... Il est romain. Il est moine. Il est bien évidemment romain et moine. Voilà. Et allez, je vais vous dire, il est du 6e siècle. Ah oui, d'accord, c'est quand même... Ah, il est Gémeaux. Et là c'est ça, ouais. Et là, il s'est dit, il y a un truc qui cloche. Il n'est pas sûr que Dieu existe. La Terre est plate. Alors, non, à l'époque, je sais pas. Ouais. Le mec est mathématicien, physicien, si ça se trouve, il a une révélation. Est-ce que c'était un contemporain du Capès? J'ai cette blague dans ma tête depuis tout à l'heure et j'ai pas trouvé de moment de la sortir. Alors vas-y. Je vois qu'il est bientôt 19h. Bien sûr. Capes, il fallait que je le dise. Ouais. Que je le dise, voilà. Sinon, donc on est au 6e siècle, bien évidemment. C'est ça, ouais. Voilà. Donc alors c'est sur la. C'est on sur est Denis le Petit. Ouais, c'est sur un fait de la vie de Jésus. Oui, c'est mariage. Il s'est rendu compte qu'il s'était marié, que Jésus s'était marié. Non, attention, tout le monde, même aujourd'hui, nos contemporains, sont d'accord avec ce qu'a dit Denis le Petit, parce que même Benoît XVI a dit ouais. Ah, il a une barbe. Il avait raison. Jésus a une barbe. Il avait raison. Il a comment tu prouves qu'il avait une barbe? Bah, si tu retrouves genre un rasoir dans son. C'est vrai. Voilà. Mais on n'a pas retrouvé de rasoir. De rasoir, non, dommage. Ah là là. Ça se joue à 6 ou 7. À 6 ou 7. Ah, c'est l'âge de Jésus quand il est mort? Ou quand il est né? Le l'âge de Jésus quand il est né. Mais encore. Mais tu brûles, hein, tu y es, mais. C'est l'âge de Jésus quand il a appris à faire du vélo? Non, l'âge. Mais. Ah, c'est dommage, tu l'as quand tu as parlé de la naissance. C'est l'âge à laquelle il a eu sa révélation. Ah, mais non, c'est l'année de la naissance de Jésus. Voilà! En fait, c'est un peu ce que je dis, c'est l'âge qu'il avait quand il est né, quoi. Ouais. Est-ce que Jésus serait né 6 ans avant lui-même? Est-ce qu'il est né? Voilà, voilà, c'est ça. Et effectivement, il est né en 7 avant lui-même. Et même Benoît XVI l'a encore dit oui, on s'est trompé. Voilà. Hein, ça. Et il n'est pas né à l'année où on voulait. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, après, alors là, c'est là que je vais avoir besoin de Jeanne, parce que je lis l'article du Monde qui. Pendant des siècles, on a célébré la naissance de Jésus le 19 janvier, le 19 avril, donc là, quel signe? Bélier. Le 28 mars. Toujours bélier. Ou encore le 6 janvier. Capricorne. Voilà, et puis après, le moine décide de faire débuter l'année chrétienne le 25 décembre. Mais on ne sait pas. Donc, on a quasiment toute certitude qu'en fait, il est né en 7 avant lui-même. On y est arrivé, bravo. Wow. Est-ce que tu as laissé des réponses aux filles ou pas, James? Non, mais en même temps, je trouve qu'elles n'en ont que très peu proposé. On t'a aidé pour chaque truc, hein, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Allez, un petit coup de Montmartre et Linné, Right Place, Right Time, et puis ça sera déjà à la fin de l'émission. Keep the Martin, Linney, right place, right time. La matinale de 18h, l'émission à côté de la plaque. Et c'est déjà la fin de cette émission. On a encore quelques minutes quand même avec vous, très chers auditeurs. Déjà pour une information en direct live, Patrick Bailly, le chanteur lorrain, ne sera pas ministre de la Culture parce que, allez, dernier petit quiz, qui va être ministre de la Culture? Vous la connaissez tous ici autour de cette table. Elle a un peu spoilé en plus. Elle a dit à ses potes, bon bah je vais être ministre de la Culture, donc je démissionne de mon poste. Entre potes quoi, tu vois. Sauf que l'annonce officielle n'a pas été faite. Mais voilà, oui. Est-ce que c'est Alexia Laroche-Joubert? Ah non, mais c'est marrant parce que c'est, alors elle a déjà été ministre hein, sous Sarkozy, mais elle a pas été ministre. Non, je te parle de. Moi je te parle de la vraie. Moi je te parle de la vraie. Hein. Ah d'accord, Rachida Dati. Bravo ! Sérieux ? Wow. Oui, effectivement, Rachida Dati qui vient d'être à la place. Elle a pris la place de favori et donc la place de ministre de la Culture à Patrick Bailly. Je pense qu'il s'en remettra parce que dans 4 ans, ça sera son tour. Tu vas nous parler d'un spectacle d'impro qui va avoir lieu ce samedi. Non, c'est pas ce samedi, c'est le samedi d'après, le 20 janvier. Le 20 janvier, vous pouvez aller à la MJC Pichon. Situé boulevard du recteur Zen, où vous allez voir un spectacle d'improvisation théâtrale, un match d'impro théatral que j'aurai le plaisir d'animer entre Nancy, l'équipe de Nancy face à l'équipe d'Annecy. Donc beaucoup de N, de A, de C, de Y. Je crois que c'était l'équipe d'Auvergne, moi. Non, mais ils sont plantés quelque part, je sais pas. D'accord. Okay. C'est l'équipe d'Annecy aux dernières nouvelles. Après, cool. S'ils viennent d'Auvergne, ils viendront d'Auvergne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, après, s'ils se trompent de route. C'est les gens d'Annecy auvergnois. Voilà, ils peuvent passer par l'Auvergne. Auvergnat. D'accord, auvergnois, ouais. Voilà, en tout cas, ça sera un très très beau match. Une tête d'affiche pour commencer l'année d'improvisation. Bien sûr. Et nous vous attendons, bien évidemment. Il y aura aussi Gallon qui aligne la voisinade la semaine prochaine. Il sera là en tant qu'arbitre de ce match. Donc, vraiment, si vous aimez Fadjet, vous auriez tort de ne pas être. Et puis on peut le dire parce que les splits. Splits. Les splits. Les splits. Impro vont avoir leur salle enfin. Ah oui, ça sera plus. Ça sera en février. On aura l'occasion de vous en reparler. Je laisse Jeanne peut-être qui est là. C'est en février, je crois que c'était fin janvier. Non, le 9 février. Ah oui, donc on a le temps d'en parler. Ah oui, super. Ok. Mais réservez votre 9 février. Ouais. Si vous voulez venir voir, il y a déjà le concept est déjà défini par contre. Mais bien sûr. Alors, tu peux en parler, juste 2 secondes, alors, 30 secondes. Alors je vais juste vous spoiler, ce sera un concept d'impro accompagné par un violoncelle. Oh. Pour de vrai. Pour de vrai. Avec un violoncelliste. Avec un violoncelliste professionnel. Ce serait pas Monsieur Louis? Ça s'appelle Louis Morand, ce. Ah, le monsieur c'est de un homme que j'ai rencontré. J'ai eu la chance de le rencontrer comme ça sur Internet et on a beaucoup accroché lui et moi. Ah là là. Ah ben non, c'est pas ce que je pense alors. Oui, le compagnon de Jeanne fera de la musique sur scène, formidable. Bon, et nous, on se retrouve dans 15 jours, bien évidemment. Absolument. On laisse la main la semaine prochaine à la voisinade. On espère qu'il y aura Jocelyn, qu'on salue à Londres. Qui nous racontera, oui, qui va voir le spectacle, notamment de RuPaul. Ah. Eh ouais. Nous, on vous fait plein de petits bisous. Et puis à bientôt. Salut. Allez, ciao, bisous. Bisous.